Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 mars 2017. Voici les grands titres de cette édition. Un veilleur de l'hôpital Boubanza a été arrêté ce mercredi par la police pour avoir refusé d'ouvrir le portail à une ambulance qui a mené un malade qui a fini par mourir dans ce véhicule. Le médecin qui était de garde ce jour est en prison depuis 4 jours pour la même affaire. Dans 4 mois, les feux tricolores pour la régulation de la circulation routière seront installés dans la ville de Bujumbura. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Office des routes. Et à l'occasion de la journée mondiale du Rhin, le néphrologue Dr Sylvain-Pierre Nzeimana affirme que le nombre de personnes présentant des dysfonctionnements des reins augmente. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles, chaque personne devrait faire des examens médicaux pour éventuellement dépister des dysfonctionnements du rein. Cela est un conseil donné par Sylvain-Pierre Nzeimana, néphrologue. Il indique que le nombre de personnes présentant des pathologies rénales continue à augmenter. Il l'a dit ce jeudi au cours d'un dépistage volontaire organisé, alors que le monde célèbre la journée internationale du rein. Alida Naikedza. Les maladies rénales peuvent être causées par une obésité qui n'a pas été contrôlée. Un volontaire qui a fait le dépistage ce jeudi indique que cela va lui permettre de connaître son état de santé. Je suis venu ici pour me dépister, savoir l'état de santé, puisque je sais que la santé est fragile pour tout le monde. Suite à la situation actuelle que nous vivons, il faut vraiment qu'on sache comment on est jour au jour. Même si la santé est là comme ça, c'est un trésor. Il faut vraiment se dépister autant qu'il faut possible. Sylvain-Pierre Nzeimana, néphrologue, fait savoir qu'il y a une augmentation du nombre de pathologies rénales. 10% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rénale chronique. 2,6 millions de personnes qui sont en insuffisance rénale terminale sont actuellement traitées par dialyse, qui est un traitement en réalité qu'on instaure lorsque le rein ne fonctionne plus du tout. L'obésité augmente de 83% le risque de développer un diabète, une hypertension artérielle ou bien une lithiase rénale. Et ces trois pathologies évoluent inévitablement vers l'insuffisance rénale terminale lorsque elles ne sont pas traitées. Nous avons pensé ici chez nous au Burundi de dépister l'hypertension, le diabète et l'obésité pour essayer de prévoir, parce que la prévention c'est la meilleure médecine, pour essayer de prévenir chez ces personnes la maladie rénale chronique. Si rien n'est fait, en 2030, la population atteinte de maladies rénales dépassera les 5 millions d'individus. Merci Alida. Santé toujours. De nouvelles directives dans la lutte contre le sida et la tuberculose au Burundi sont en œuvre depuis le début de cette année. Docteur Désiré Nduwimana, médecin provincial à Bururi, l'a annoncé ce mercredi lors d'une réunion avec les leaders communautaires de cette province. Une réunion organisée par COPED pour les sensibiliser à lutter contre ces maladies qui constituent un frein au développement. Jean-Pierre Misago. Dans ces nouvelles directives, Dr Désiré Nduwimana évoque un seul comprimé dans lequel est incorporé trois médicaments, un comprimé pris une seule fois la nuit qui remplace une dose allant jusqu'à 8 comprimés par jour qui était d'usage. Ceci faisait que certains malades du sida interrompent ou les prenaient irrégulièrement, aggravant ainsi l'état sérologique. Une autre nouveauté, c'est que chaque femme enceinte porteuse du VIH-Sida sera immédiatement mise sous ARV et sera toute sa vie. Des appareils pour l'autotest seront également distribués au sein de la population, des tests qui devront être confirmés ou infirmés par une structure de soins. Selon son responsable médical, c'est pour qu'en 2020, 90% des personnes infectées par le VIH-Sida seront dépistées. 90% de ceux qui seront testés positifs seront sous ARV et 90% de ceux-là sous ARV auront une charge virale indétectable. Le Conseil pour l'éducation et le développement qui a organisé cette rencontre prépare la vulgarisation de ces nouvelles directives dans les groupes cibles, notamment les détenus, les forces de l'ordre et de sécurité, les élèves et étudiants, les pêcheurs et bien d'autres. Sur plus de 52 000 personnes qui se sont fait dépister volontairement en province Bururi en 2016, 321 ont été testés positifs au VIH-Sida. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Un centre de santé situé sur la colline Moussavé en zone Mouchikamo de la commune Routigama, c'est dans la province de Mouranvia, a été détruit par la pluie, mais les deux vont tomber dans l'après-midi de ce mercredi. Vivine Ndayambagé, administrateur de cette commune, demande que ce centre de santé soit réhabilité. Des bananeraies ont également été touchées. Suivez-la. Mercredi, le 8 mars, dans l'après-midi, sur la colline Moussavé, zone Mouchikamo, en commune Routigama, il y a eu une pluie très grande. Il y a un centre de santé privé dans certains Emmanuel Namboki. Tout, presque, le centre de santé a été détruit. Parce qu'il y avait un vent violent, les bananes sont presque toutes tombées. Au niveau de la commune, nous demandons qu'on peut intervenir en aidant ce monsieur Namboukié pour que ce centre de santé puisse fonctionner le plus tôt possible. Il est 13h03 à Bujumbura. Les trous qui sont en train d'être creusés le long de certaines routes de la ville de Bujumbura ont pour but l'installation des feux de signalisation routière. Le directeur général de l'Office des routes fait savoir que dans 4 mois, ces feux seront opérationnels. Ingénieur Vincent Nibayoubahé interpelle la population à respecter ces infrastructures de développement qui seront utiles pour... Suivez ingénieur Nibayoubahé au micro de Christella Nizigama. Dans ces derniers temps, vous observez des gens en uniforme qui sont en train de creuser différents endroits, surtout sur les petits ronds-points ou les petits carrefours, les grands carrefours. C'est un projet qui est rattaché à un projet de construction de la route nationale N3 Mugina-Mabanda-Nyangala, où les travaux principaux se sont achevés, c'était juste la construction de la route à chaussée, béton, bitumineux. Alors, il va faire l'installation des feux tricolores. Vous savez, ces derniers temps, il y avait des feux à Bujumbura. Bon, les feux rouges, les feux verts, feux, juste pour réguler le passage des différents ronds. Là, ce sont, on appelle ça, c'est l'implantation des trous ou des fondations. Bientôt, il va suivre la mise en place des poteaux. Ensuite, la mise en place des jets lumineux. Et c'est assez du développement. Je profite de cette occasion pour interpeller la population de Bujumbura, surtout ceux qui roulent à véhicule, de respecter les feux tricolores. Quand ça s'affiche le rouge, il faut attendre. Quand ça s'affiche le vert, il faut passer. Et comme ça va réduire les accidents qu'on a toujours observés. Et si vous estimez à quand ces feux seront opérationnels? Normalement, nous accusons à petit retard. Sinon, les feux pourraient prendre 4 mois seulement, parce que c'est pas des travaux qui demandent beaucoup de temps. C'est juste creuser et flatter le trou. Et ensuite, ils sont déjà arrivés. Et je pense que d'ici 4 mois, on peut parler des travaux prévisionnels. Dans 4 mois, on aura déjà fini. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Politique à présent, le parti Uprona salue le pas franchi dans le rassemblement de ses membres. Abel Gachati, président de ce parti, explique que même le processus de réunification est à un stade satisfaisant. Il ajoute que cette réunification en cours ne nécessite pas de médiation. Suivez-le au micro de Placide Niamongere. Lors du congrès de Gitega, les priorités, c'était d'abord le rassemblement de la Dasigane. Le rassemblement que je suis en train de parler ici, c'est de toucher tout ce monde-là, approcher ces gens-là et les demander de retourner au Berkay et s'associer à nous, s'associer aux différents comités que compte Uprona en vue de consolider notre formation politique. Est-ce que vous avez déjà fait un pas, vous êtes concerté quelque part pour parler de réunification? Nous avons préféré le rassemblement de la base au sommet, mais quand même au sommet, on est entré, on a mené des contacts avec ces leaders de ce groupe. J'ai parlé avec les gens qui se réclament dirigeants de la coalition Amizera Barundi, on s'est même à Arusha, on s'est parlé. Ici, il y a des sages, des anciens de l'Iprona, on se parle souvent, et pour que le parti Iprona soit réunifié. Pourquoi? Parce que le salut du parti Iprona est que toutes les personnes qui se réclame de l'IPRONA, travaille pour l'IPRONA en vue de consolider notre formation politique. Est-ce que réunification au niveau du sommet nécessite au moins une médiation ou bien vous allez vous-même de vos concertations régler l'affaire? Ah, ces gens-là, on se connaît. On est de Badassigana, on a été ensemble. La médiation, je pense que ce n'est pas nécessaire car nous partageons la même vision, même idéologie. Ce sont nos grands frères, ce sont nos petits frères. Nous devons nous entendre. C'est tout quand on a la vision de consolider notre formation politique qui est l'IPRONA. Abel Gachati, président de l'IPRONA, de son côté, Evariste Ngaïmenda dément ces affirmations du président de l'IPRONA. Il précise qu'il n'y a pas de projet de réunification en cours. Ce projet, je ne le connais pas et par conséquent, je ne peux pas tout faire son état actuel. S'il y a une réunification, ça veut dire qu'il y a une réunification autour d'un projet politique. Et quel serait ce projet politique autour duquel on se réunifie? Parce que il est clair que depuis les fameux états généraux de l'IPRONA de 2014, je crois qu'on a pris deux directions diamétralement opposées et se réunifier signifie qu'on se retrouve autour d'un projet politique commun. Quel est donc ce projet politique commun? Pour le moment, on dit qu'il y aurait une concertation lorsque vous étiez à Arusha, laquelle concertation était présidée par l'ancien président Buyoya et de cette concertation. Le président Buyoya est un membre du parti IPRONA. Que le président Buyoya parle avec Badassigana lorsqu'il se rencontre, c'est une chose pour moi très normale. Que les deux groupes de l'IPRONA se parlent, c'est aussi normal. Mais il ne suffit pas que des gens parlent et échangent sur ce sujet-là pour dire qu'il y a un projet de réunification. Il y a un projet de réunification autour de quelle orientation, autour de quel projet politique. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez conclure qu'il y a projet ou pas. Dites qu'il y a encore une barrière pour qu'il y ait cette réunification. Il n'y a pas de barrière parce qu'il n'y a pas de projet en cours. Le jour où le projet se relance, ça veut dire le jour où les deux groupes se mettraient ensemble, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait dire qu'il y a barrière ou pas. Maintenant, il n'y a pas tout simplement début de quoi que ce soit et donc pas parler en termes de barrière ni d'avancée, il n'y a rien encore. Le professeur Evariste Ngaïmenda de l'UPRONA. Les habitants riverains du ruisseau Tchari, séparant les quartiers Nyabagere et Winherekwa, craignent l'écroulement de leur maison suite à un ravin creusé par ce ruisseau. C'est un reportage de notre nouveau confrère Pascal Niyoyahonze. Abulimanakabani est l'un des riverains les plus menacés par ce ruisseau. Il indique que suite aux pluies torrentielles qui sont tombées dans ce quartier au cours de cette semaine, sa maison a failli s'écrouler. On a trop peur car ces derniers jours, l'éboulement s'est étendu sur 4 mètres. Nous avons dû sortir dehors pour éviter la catastrophe lors d'une grande pluie. C'était pendant la nuit. Nous avons entendu un bruit étrange. C'était une partie du terrain qui tombait dans le ravin. On a dû rester dehors. Plusieurs mètres de terrain sont déjà partis. Il a déjà creusé une profondeur de plus de 7 mètres. Les murs de ma maison sont très menacés. C'est une grande peur chez les propriétaires des maisons riveraines de ce ruisseau. Certains d'entre eux ont déjà perdu une partie de leurs parcelles. C'est le cas de Désiré Nzoïsaba. Tu vois que la douche et la toilette sont déjà emportées. C'est un grand problème et nous n'avons plus de moyens. Ça fait déjà 2 ou 3 ans. Avant, c'était un petit ruisseau. Maintenant, c'est tout un ravin. Ces habitants expliquent qu'ils étaient venus s'installer dans cette localité car à cette période, ce ruisseau n'était pas encore profond et ne pouvait susciter aucune crainte. Des piétons pouvaient passer sans aucun problème, même ceux qui avaient des véhicules n'avaient pas besoin de pont. Mais environ 6 ans après, le ruisseau Tchari a déjà creusé un ravin d'environ 6 mètres de profondeur. Les habitants de cette localité demandent le secours de l'administration. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous essayons, mais en vain. Pendant la saison sèche, nous plantons des roseaux et ils poussent bien. Mais avec la saison des pluies, ces roseaux sont emportés par les eaux. Ce ruisseau Tchari sépare les quartiers de Nyabagere et la colline Winherekwa de la zone Gihosha en commune Mua. Il prend source dans la localité de Gishingano sur les collines surplombant la ville de Bujumbura. Pascal Nyoyanghonze. Un certain Wizimana Diomède, un militaire en retraite, a été retrouvé mort le matin de ce mercredi dans un boisement de la colline Buhinyuza, commune Burambi de la province Rumonge, où il habitait. Les sources administratives et policières indiquent que cet homme avait disparu le 3 mars courant alors qu'il se rendait retirer son argent à Rumonge. Jusqu'ici, le mobile et les auteurs de son meurtre ne sont pas encore connus. Je vous l'avais dit, un veilleur de l'hôpital de Bouanza a été arrêté par la police ce mercredi. Manila Geza Sixte est accusé d'avoir refusé d'ouvrir à une ambulance qui a mené un malade dans cet hôpital. Un malade qui a fini par mourir dans le même véhicule. C'est au moment où le médecin qui était de garde vient de passer 4 jours à la prison centrale de Bouanza pour la même affaire. Spes Caritas Kavanyan. C'est au moment où les ouvriers de l'hôpital de Bubanza venaient de subir un interrogatoire au parquet de Bubanza que ce veilleur a été arrêté et conduit manu militari à la prison centrale de Bubanza. Manila Geza Sixte est accusé d'avoir refusé d'ouvrir à une ambulance qui transférait un malade qui a fini par succomber dans son véhicule devant cet hôpital selon certaines opinions. Et de son côté, ce veilleur expliquait qu'il était en train de travailler à la morgue au moment de l'incident. D'autres sources indiquent plutôt que Sabimana Laboure. Cette femme qui était malade serait morte en cours de route avant d'arriver à l'hôpital. Manila Geza Sixte a trouvé dans la prison de Bubanza Dr Ndani Benga Pascal, directeur adjoint de l'hôpital, qui a été arrêté ce lundi. Il est accusé de n'avoir pas aidé cette malade non-assistance à une personne en danger sanctionnée par l'article 482 alinéa 2 du code pénal selon le procureur de la République à Bubanza. C'est au moment où les témoins sur place à cet hôpital indiquent que Dr Ndani Benga Pascal était en train de travailler dans le bloc opératoire au moment de l'incident. Tout a commencé en date du 25 février, au moment où cette ambulance transférait cette femme du centre de santé de Chia vers l'hôpital général de Bouanza. Elle aurait succombé devant l'hôpital après une centaine de minutes d'attente selon les uns, tandis que les autres disent qu'elle serait morte en cours de route avant d'arriver à l'hôpital. Au parquet de Bouanza, on précise que les enquêtes continuent. C'est Caritas Kabanyana, Bouanza. Merci Spé. Ces 15 ans de prison ferme, c'est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Rumonge ce mercredi contre 3 personnes ayant commandité l'assassinat d'un homme de Kizuka en commune de Provence Rumonge sur fond d'un conflit foncier. Les 5 exécutants de cette mission qui n'a pas réussi et qui l'ont reconnu ont écopé d'une peine de 7 ans de prison ferme. Tous les 8 ont passé leur première nuit à la prison centrale de Rumonge, dit Muremge, selon des sources policières. Et vol de 8 vaches en une semaine sur 2 collines de la commune Buganda en province Cibitoke. Les éleveurs de vaches indiquent que la dernière a été volée ce mercredi par des hommes armés burundais et congolais. Ces vaches sont acheminées en République démocratique du Congo. Ces éleveurs demandent que la sécurité de leurs bêtes soit assurée. La police dans cette province fait savoir qu'elle va combattre ces cas de vol avec la collaboration des autorités congolaises. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, la justice sud-africaine a ordonné au gouvernement de révoquer sa notice de retrait de la Cour pénale internationale. En octobre dernier, le gouvernement avait officiellement informé l'ONU de son retrait de la CPI. Et en Afghanistan, au moins 30 personnes ont été tuées lors d'une attaque contre le principal hôpital militaire ce mercredi. L'organisation État islamique a revendiqué cette opération. Et au Madagascar, une tempête a fait de nombreux dégâts dans la nuit de ce mercredi. Et les autorités ont ordonné la fermeture de tous les aéroports du pays jusqu'à nouvel ordre. Aubin Néongourou. Le cyclone devenu tempête continue de faire des dégâts à Madagascar. 5 morts sont déjà signalés et plus de 20 000 sinistrés. Les barrages sont rompus, les éboulements, les routes coupées et coupures d'électricité, ainsi que les rivières qui sont sorties de leur lit sont autant de dégâts déjà recensés, écrit le site de RFI. L'administration ainsi que la Croix-Rouge ont commencé à planifier les interventions de secours d'urgence. En Afrique du Sud, le gouvernement a officiellement, en octobre dernier, informé l'ONU de son retrait de la CPI, mais en février dernier, la justice a estimé que cette décision était inconstitutionnelle et invalide car elle n'avait pas été approuvée par le Parlement. La justice donc a ordonné au gouvernement de révoquer sur le champ sa notice de retrait. Il y a des chances, selon certaines sources, que les députés votent en faveur de l'ANC, parti du président Jacob Zuma, majoritairement représentés au Parlement. En Afghanistan, l'attaque menée ce mercredi contre l'hôpital militaire a fait 30 morts et une cinquantaine de blessés. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Ces assaillants se sont déguisés en médecins avant de s'introduire dans cet hôpital. Tous ont été tués selon la police. Merci Urban Yongourou. C'est sur ces nouvelles brèves en international que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.